Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 61, Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Cette semaine avec Mathieu, toujours, salut Mathieu. Salut professeur Fon. Et pour nous présenter pardon, sa chronique sur l'évolution, sa deuxième chronique sur l'évolution, notre ami Marco, en direct de Lyon, salut Marco. Salut Alan et puis salut Mathieu. Salut Marco. Ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, moi aussi, là, je suis content de vous retrouver après un mois. Hein. C'est vrai que le temps passe vite, ma parole. Ah ouais. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un truc complètement incongru, c'est l'œuf de kiwi, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. On va parler de l'œuf du kiwi, donc qui a une particularité. Et donc voilà, j'en dis pas plus pour le moment. On verra ça au fur et à mesure, mais donc il vaut le coup de parler de lui, quoi. D'accord, bah on se réjouit de t'écouter. D'ailleurs, la parole est à toi, nous sommes tout ouïes. D'accord, donc écoute, on va partir en Nouvelle-Zélande alors directement. Donc la Nouvelle-Zélande est une terre de rugby, donc comme nous l'avons appris nous Français à nos dépens il n'y a pas si longtemps. Mais c'est aussi surtout un territoire qui est très isolé et tellement isolé que pas un seul mammifère n'a réussi à s'y introduire de façon naturelle, à part les chauves-souris et les phoques, mais dans ce cas les moyens de transport sont connus. Je précise de façon naturelle parce que l'homme, bien sûr, y a introduit quelques mammifères qui l'ont accompagné lors de ses voyages et parfois même de façon clandestine. Donc fondamentalement, la Nouvelle-Zélande est une terre qui a été occupée par les oiseaux, avec notamment plusieurs espèces de grande taille et incapables de voler qui forment le groupe des Moas. Alors selon les taxinomistes, il y aurait eu entre 13 et 22 espèces de Moas qui auraient vécu en Nouvelle-Zélande. Ok, donc Moa, Moa, c'est ça? MOA, voilà, c'est bien ça. D'accord. Donc, qui aurait Voilà. vécu, il y a plus d'oiseaux de ce type, ou bien? Il y a plus de Moa. Il y a toujours des oiseaux de la famille des Moa, comme on va voir plus tard, hein, mais des Moa, il n'y en a plus. D'accord. Ok. Le pont moyen du plus grand des Moa, qu'on appelait Dinornis Maximus, avait été estimé à 235 kilos par l'ornithologue Dean Hamadon, bien que des calculs d'autres ornithologues donnaient un poids de près de 400 kilos, et pour une taille qui dépassait les 3,50 m. Ah oui, ça fait, c'est des gros oiseaux. Voilà, tout à fait, ouais, des très gros oiseaux. Alors quelque chose que j'aime bien moi, c'est connaître la signification en fait des noms des espèces que l'on donne. On donne souvent des noms latins ou grecs, d'origine latine ou grecque. Donc j'aime bien connaître la signification parce que je trouve que ça aide à retenir plus facilement le nom. Et donc Dinornis Maximus. Donc Maximus, il n'y a pas de problème, je pense que tout le monde comprendra. Dinornis, en fait, ça vient de Dino, en fait, de Deinos, qui veut dire terrible. Et de Ornis, qui veut dire oiseau. D'accord. Donc voilà, Dinornis Maximus, c'est tout simplement le terrible oiseau. Ok. Voilà. Et c'est le même dino qu'on retrouve dans le dinosaure. D'accord. Voilà. Qui veut dire terrible. Qui veut dire, voilà, terrible. Bon, ça va. Donc par contre, Dinornis Maximus n'était pas le plus grand des oiseaux, puisque l'Epiornis, donc avec épus qui vient du grec, qui en grec signifie haut et ou élevé. Donc l'Epiornis ou l'oiseau éléphant de Madagascar, qui malheureusement a disparu également, le surpassait en poids avec plus de 500 kilos. Wow. Voilà, donc vraiment une grosse bête, un bon poulet, quoi. Mais il pouvait pas voler avec un poids comme ça, oui. Non, non, il volait pas, D'accord, alors. j'ai eu peur tout d'un coup. Non, ouais. Et donc, une info qui m'avait été soufflée par Pierre Kerner, c'est que cet oiseau détient également le record de l'œuf le plus gros en taille absolue, encore plus gros qu'un œuf de dinosaure. Donc, pour Wow. vous donner une idée, en fait, le plus gros œuf de dinosaure fait environ 20 cm de diamètre, alors qu'un œuf d'Épiornis, ça fait 30 cm de diamètre. Eh ben. Donc, voilà, ça fait une belle omelette aussi. Ouais, effectivement, je pense que le prédateur qui tombait sur un œuf de ce type-là était content. Il en avait pour la semaine, là, voire pour le Ouais, mois. voilà. Donc pour faire une comparaison avec des oiseaux vivant actuellement, le plus grand qui vit encore aujourd'hui, c'est l'autruche, et ça fait environ 100 kilos. D'accord. Voilà, pour faire une comparaison. Ok. Donc, comme on disait, les moas de Nouvelle-Zélande ont disparu aujourd'hui, et comme souvent, nous ne sommes pas étrangers à leur disparition. les principales causes de leur disparition étant la chasse des ancêtres maoris et la destruction de leur habitat pour gagner en terres cultivables. Voilà, donc les Moas en fait appartiennent, enfin ou appartenaient plutôt à la sous-classe des ratites, qui forment en fait un groupe d'oiseaux incapables de voler. Et ce groupe comprend également les autruches africaines, les nandous d'Amérique du Sud, et les émeus et les casoars d'Océanie. Donc les oiseaux capables de voler possèdent en fait une pièce osseuse en avant de la poitrine, qu'on appelle le bréchet ou éventuellement la crête sternale, parce qu'il s'agit en fait d'une extension du sternum, et qui forme comme une quille, comme une quille de bateau en fait par rapport au fuselage de la case thoracique. Et D'accord. ce qui voilà ce qui fournit en fait une vaste aire d'attachement pour les muscles du vol. Et les ratites, en fait, eux n'ont pas cette extension du sternum. Et d'où leur nom, puisque ratite en fait vient du latin ratis, qui signifie radeau. Et le radeau est une embarcation qui n'a pas de quille. D'accord. Voilà. Okay. Donc un seul genre en fait de ratite a survécu en Nouvelle-Zélande et il s'agit du kiwi, qui malgré sa taille de poule en fait est l'oiseau le plus étroitement apparenté au moa. Aujourd'hui en fait il y aurait cinq espèces de kiwi qui forment le genre Aptéryx. Et Aptéryx signifie en fait littéralement sans ailes. Ok. Voilà. Donc les kiwis en fait n'ont pas de queue apparente et leurs ailes vestigiales, leurs petits moignons d'ailes en fait sont entièrement cachés sous un plumage pelucheux qui ressemble davantage à une fourrure qu'à des plumes. Et je dis bien qu'ils ressemblent car il s'agit bien de plumes et non de poils. Ah ouais. Et voilà, qui sont semblables par leur structure au duvet de la plupart des oiseaux. D'accord. Voilà. Donc le corps des kiwis en fait est monté sur de puissantes pattes, ce qui donne l'impression de deux boules fichées sur deux bâtons, avec le corps qui fait une grosse boule et puis la tête qui est un peu plus petite. Ils se nourrissent de graines, de baies et puis d'autres aliments végétaux, d'araignées, mais ce qu'ils préfèrent en fait, ce sont les vers de terre qu'ils trouvent en fouillant le sol avec leur long bec, parce qu'ils ont un bec super long hein, et super fin. Et donc ce bec justement, en fait, dans ce bec se trouvent de nombreuses terminaisons nerveuses sensorielles et notamment olfactives. C'est-à-dire pour sentir, Voilà c'est pour cette sens sentir. de l'odorat. Tout à fait. Voilà. Et donc ce qui est exceptionnel chez les oiseaux, c'est que les kiwis possèdent en fait des narines externes allongées et leur bulbe olfactif, pardon, est le deuxième plus gros chez les oiseaux en proportion de la taille du cerveau. D'accord. Voilà, Le devancé premier seulement étant. a priori, ce seraient les albatros. D'accord. Voilà. Mais la plus grande bizarrerie du kiwi en fait se rapporte à la reproduction. Car l'œuf du kiwi en fait est vraiment une merveille à contempler et ça va être le sujet principal en fait de ce podcast car il est l'œuf d'oiseau le plus gros par rapport à la taille du corps et de loin. D'accord. Voilà, les espèces de kiwi en fait ont un poids qui tourne autour de 2 kilos. Alors il y a un dimorphisme sexuel chez les kiwis généralement la femelle fait à peu près un tiers de plus que le mâle hein, en masse. Donc ça peut aller jusqu'à 4 kilos pour certaines femelles, mais en moyenne voilà, ça tourne autour de 2 kilos pour la majorité des espèces. Et l'étude du rapport entre la taille de l'œuf et la taille du corps dans l'avifaune en fait montre que des oiseaux de la taille du kiwi devraient pondre normalement des œufs qui ferait entre 55 et 100 grammes. C'est-à-dire, en fait, comme les poules Comme domestiques, des œufs de poule, ouais. comme des œufs de poule, voilà, tout à fait exactement. Et les œufs de kiwi brun, pardon, peuvent peser jusqu'à 435 grammes. D'accord. Voilà, Ouais, donc donc ce c'est soit. énorme, c'est pratiquement 10 fois plus grand. Voilà, Oh là donc ça. là, je suis de retour. On avait perdu Mathieu. Le Ah! voilà. Donc voilà, donc je vous ai dit, il faisait à peu près 2 kilos en moyenne les kiwis et 435 grammes en fait, c'est le poids d'œufs que pondraient des oiseaux de 12 kilos. D'accord. Environ. Donc Ok. pour faire une image, qui serait plus parlante, c'est un peu comme si nos femmes accouchaient de bébés qui feraient 18 kilos. Mais c'est Donc incroyable. voilà. Donc Incroyable. Et puis ça marche. Je veux dire, la poule n'est pas détruite dans le processus. Apparemment, ça marche bien puisque voilà, ils sont toujours là. Incroyable Et cette puis, histoire. d'ailleurs, il y a une célèbre radiographie en fait qui avait été effectuée dans une réserve naturelle de Nouvelle-Zélande et qui met nettement en évidence ce phénomène en fait, sans qu'il y ait besoin de le commenter. Donc, j'ai mis la photo en fait dans le dossier. Voilà, n'hésitez pas à aller la consulter en fait. C'est assez éloquent. Ça fait presque mal même. Ça enlève un peu d'empathie pour ces pauvres bêtes. Ouais, alors moi j'en ai profité pour aller voir, je l'ai sous les yeux, c'est vrai, ça fait mal au cœur, pauvre bête. Voilà. La moitié de l'oiseau, c'est l'œuf en fait. Ah non, c'est vrai, c'est vraiment Un bon surprenant. tiers en tout cas, c'est juste incroyable. Voilà. Mais bon, ceux qui auront écouté en fait le dossier du mois dernier sur la lampe silice auront compris que si je vous parle du kiwi aujourd'hui, c'est pas seulement pour vous faire remarquer l'existence de cette bizarrerie, mais c'est surtout pour tenter de répondre à la question pourquoi il en est ainsi. Voilà. Donc généralement, les biologistes évolutionnistes approchent ce genre d'énigme en se demandant quelle utilité peut avoir le trait en question. Et puis ils admettent que la sélection naturelle a œuvré pour intégrer cet avantage dans le mode de vie de l'animal. Voilà, les plus grands succès de cette méthode concernent les structures étranges qui ne semblent avoir aucun sens a priori ou qui paraissent aux premiers abords disproportionnées et peut-être même nuisibles, comme le du kiwi par exemple. Mais cette stratégie pour aborder les bizarreries de la nature suggère donc que si l'on trouve à quoi est utile une structure, on sera alors en mesure de déterminer pour quelle raison elle est si grosse ou elle est si colorée ou pourquoi elle a une forme si particulière. Cette méthode pourrait aussi s'appliquer aux œufs du kiwi parce qu'ils paraissent trop gros, quoi. Et si on comprend en quoi cela peut être un avantage, on pourra alors comprendre en quoi la sélection naturelle les a favorisés. D'accord, mais bon là j'imagine qu'il a fallu faire preuve de pas mal d'imagination quand même pour trouver des avantages, non? Ben, il y a des avantages, mais bon, quand on connaît la façon de procéder en fait de Stephen Jay Gould, on sait que si ce mode de raisonnement darwinien ne comportait pas une faille cruciale en ce qui concerne l'œuf du kiwi, alors il n'aurait pas abordé le sujet dans l'essai dont je me suis inspiré pour faire ce sujet. Voilà. Donc, s'il a fait ce sujet-là, c'est qu'il y a une faille dans son mode de raisonnement. Et cette faille, elle se situe pas au niveau de l'utilité présumée, parce que de gros œufs vont donner de gros poussins bien développés, qui peuvent se débrouiller par eux-mêmes, avec un minimum de soins parentaux après l'éclosion. Et en plus, les œufs de kiwi sont pas seulement gros, mais ils sont aussi les plus nutritifs de tous les œufs d'oiseaux, parce qu'ils contiennent une quantité de jaune qui est proportionnellement la plus élevée. Ils peuvent contenir en fait jusqu'à 61% de jaune pour 39% d'albumine. Donc l'albumine, c'est le blanc en fait. Albus en latin, ça veut dire blanc. Et le jaune d'œuf aussi, on appelle ça des fois le vitellus. Et en latin, ça veut dire tout simplement jaune d'œuf. Donc voilà, 61% de jaune pour 39% d'albumine. Donc par comparaison en fait avec les autres espèces dites nidifuges. Donc des espèces nidifuges, en fait, ce sont les espèces chez lesquelles les petits éclosent couverts de duvet, bien formés et immédiatement actifs, avec les yeux bien ouverts, tandis qu'en fait les espèces nidicoles sont les petits en fait qui éclosent à l'état nu, aveugle et incapable d'autonomie. Et là, les proportions sont différentes. Donc les proportions sont différentes, tout à fait. Chez les espèces donc nidifuges, en moyenne, les œufs contiennent entre 35 et 45% de jaune. Voilà. Tandis que chez les espèces nidicoles, il en recèle que de 13 à 28%. Et puis on a dit que chez Voilà. le kiwi, c'est Chez 61%. 61%. Donc voilà, il y a énormément de jaune. Donc ça le permet de bien se développer, quoi. Donc voilà. Donc le mode de vie des quilles montre donc bien les avantages procurés par ce gros œuf plein de jaune. Les jeunes kiwis naissent couverts de plumes et puis généralement ils reçoivent aucune nourriture de leurs parents en fait. Juste après l'éclosion, ils vont se nourrir en fait de la portion de jaune d'œuf qui reste pendant les premières 72 heures de leur vie. Et puis un poussin en fait va quitter son terrier pas avant le cinquième jour, parfois jusqu'au neuvième jour, accompagné de son père. Et puis c'est là, à ce moment-là, qu'il va faire sa première sortie pour s'alimenter. D'accord. Voilà. Donc effectivement, les kiwis profitent de leur gros œuf, c'est un énorme avantage, il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'on peut pour autant conclure que ceux-ci ont été élaborés par la sélection naturelle sur la base de ces avantages? Est-ce que ce serait pas une erreur de raisonnement que Ah, donc c'est là d'extrapoler? qu'il y a la faille, c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est pas une erreur de raisonnement que d'extrapoler que l'utilité présente d'une structure nous indique la raison de son apparition en fait? Donc, Gould, lui, caractérise cette erreur de raisonnement par une phrase en fait qu'il aurait certainement aimé élever au statut de théorème. Il dit: il ne faut pas mettre le signe égal entre l'utilité présente d'une structure et son origine historique. D'accord. Autrement dit, en fait, lorsqu'on a démontré qu'un trait donné fonctionne bien, on n'a pas pour autant résolu le problème de savoir comment, quand et pourquoi il est apparu. Donc, voilà, l'explication d'un bon fonctionnement peut toujours avoir une interprétation alternative. Donc, il ne s'agit pas de nier en fait qu'une structure présentant une utilité donnée pour avoir été élaborée par la sélection naturelle. Donc, ça, c'est souvent le cas comme ça. Mais elle peut aussi être apparue pour une autre raison ou même sans raison, puis a pu être cooptée pour sa fonction présente. On l'a vu par exemple dans le dossier du mois dernier sur la préadaptation de la lampe silice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais. Oui, c'était un peu un raisonnement de poulet d'œuf. On se demandait comment cette petite excroissance en forme de poisson a pu se développer spontanément en forme de poisson. C'était ça, hein. Voilà Et puis, le. tu avais précisé qu'en fait, ce n'était pas le cas. Il y avait une autre utilité au départ. Au départ, le manteau, voilà, avait une utilité qui était d'aérer en fait les larves. Et puis bon, le hasard a voulu que cela attirait les poissons. Puis bon, après ça, le manteau s'est développé. Mais donc, ce genre en fait d'erreur de raisonnement qui consiste à extrapoler en fait trop vite l'utilité présente à l'origine biologique se rencontre dans tous les domaines où l'on essaie de déduire l'histoire passée à partir de l'état présent du monde. Et puis un exemple qui est très connu de ce raisonnement, qu'on appelle en fait raisonnement panglossien. Ça vient de, je sais pas si vous connaissez Pangloss, en fait, c'est dans, C'est Candide, c'est ça, de c'est Candide, Voltaire. voilà, Candide de Voltaire. Je crois qu'il dit quelque chose comme que le nez est parfaitement placé en fait pour porter des lunettes. Ouais, exactement. Ouais. Et il se trouve que nous portons des lunettes, quoi. Enfin voilà. Donc c'est un raisonnement panglossien en fait. Et donc le raisonnement le plus connu en fait panglossien, c'est l'interprétation de ce que les cosmologistes en fait appellent le principe anthropique. Vous voyez ce que c'est déjà le principe anthropique, ça vous parle un peu? Ouais, ça nous parle. Mathieu, Ouais, je suis sûr que ça te parle plus qu'à moi. je crois que j'avais déjà abordé un peu cette idée dans un ou l'autre dossier. Mais ouais, c'est un peu l'idée de dire que tout l'univers finalement est préparé ou prévu pour une fin humaine, un peu. C'est un peu ça l'idée, non? Pour que l'homme en tout cas puisse apparaître, qu'il y a toutes les conditions nécessaires Voilà. à ça. Voilà, exactement, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est que de nombreux physiciens, en fait, avaient souligné que la présence de la vie sur Terre cadrait exactement avec les lois physiques régissant l'univers, dans le sens qu'en fait, que si celle-ci avait été légèrement différente, la vie ne serait peut-être jamais apparue sur Terre et nous ne serions pas là. Voilà. Donc, à partir de ces constatations initiales, quelques auteurs avaient tiré la conclusion que l'apparition de l'homme par évolution était contenue dans les conditions initiales ayant présidé à la naissance du cosmos. Mais en réalité, en fait, l'adéquation présente de la biologie humaine avec les lois physiques, elle permet de tirer aucune conclusion. Parce que si nous sommes ici, en fait, nous devons forcément être en conformité avec les lois physiques. Si c'était pas le cas, nous ne serons pas là, tout Ouais, simplement. forcément. Bien sûr. Voilà, nous ne serons pas là, mais il y aurait certainement quelque chose d'autre à la place et qui proclamerait tout aussi orgueilleusement que nous que le cosmos a été fait, a été créé dans la perspective de son apparition ultime, ultérieure dans l'univers. Logique. Voilà, donc c'est ça le type de raisonnement panglossien. Donc là, on est dans le même cas. Alors, revenons aux œufs de kiwi, justement. La plupart des auteurs, en fait, se sont posé le problème ainsi. Ils se sont dit pour quelle raison l'œuf de taille normale d'une espèce d'oiseau ancestral a-t-il subi un accroissement de ses dimensions jusqu'à donner l'œuf du kiwi? Mais d'autres personnes, et notamment William Calder de l'Université d'Arizona, ont posé le problème autrement et aboutissant à une interprétation carrément opposée et qui paraît bien plus vraisemblable compte tenu des arguments qui la soutiennent et qu'on va voir. D'accord. Voilà, donc selon cette nouvelle manière de voir, en fait, les kiwis représenteraient des nains sur le plan phylétique issus d'une lignée d'oiseaux beaucoup plus grands. D'accord? OK. Donc, puisque leurs ancêtres en fait pondaient de gros œufs qui étaient appropriés à leur taille, les kiwis en fait n'ont tout simplement pas ou peu réduit les dimensions de leurs œufs. En d'autres termes, en fait, ce sont pas les œufs de kiwi qui sont devenus plus grands, ce sont le corps des kiwis qui sont devenus petits. Et l'œuf est resté le même. Et l'œuf est assez réduit dans des proportions Moindre. Ouais. plus faibles, mais on va voir pourquoi. D'accord. Donc Enfin, un oiseau qui pesait 500 kilos, au fil de l'évolution, s'est mis à n'en peser plus que 2, et puis son œuf, au lieu de peser les 50 grammes qui devrait peser, est quand même resté disproportionné. voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, c'est pas D'accord. 500, je pense pas que les ancêtres des kiwis pesaient 500 kilos. Je pense que les kiwis, là, sont proches des moas, enfin, ce sont des ratites, donc, ils devaient peser 100 kilos, 200 kilos, peut-être. D'accord. Voilà. Bon, il n'existe aucune preuve directe, en fait, pour appuyer cette, interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas de fossiles qui permettent de prouver que les kiwis sont une forme naine des moas. Mais il y a de nombreuses données qui sont obtenues par inférence qui permettent d'aller dans ce sens-là. Et le meilleur argument pour regarder les kiwis comme beaucoup plus petits que leurs ancêtres, en fait, est la grande taille de leurs plus proches cousins que sont les moas. Alors, ça dépasse pas le cadre de la simple conjecture, hein, car on pourrait dire que les kiwis et les moas en fait partagent un ancêtre commun qui avait la taille des kiwis. Et que ce sont les moas en fait qui ont subi ultérieurement un accroissement de leur dimension. Mais comme les kiwis en fait sont les plus petits des ratites et qu'ils sont bien plus petits en fait que les autruches et les landous, les émeus, les casoars, il est bien plus probable en fait que ce soit les kiwis qui aient subi une diminution de leur taille plutôt que tous les ratites en fait qui aient subi un accroissement. Ça tient la route, effectivement. Voilà, on ne peut pas avoir la certitude en fait sans preuve directe dans cette fossile, évidemment. Mais bon, il serait pervers en fait de penser le contraire. Voilà. OK. Donc Calder en fait a noté également que sous de nombreux aspects, et puis quelques-uns étant même curieux, les kiwis n'ont pas une morphologie et un mode de vie qui étaient associés aux oiseaux, mais plutôt aux mammifères. Par exemple, en fait, ils sont les seuls dans l'avifaune à avoir des ovaires des deux côtés, puisque l'ovaire droit habituellement dégénère en fait chez tous les autres oiseaux, alors que chez le kiwi c'est pas le cas. Ce qui fait que D'accord. les œufs en fait sont pondus alternativement par un ovaire puis par l'autre, comme chez les mammifères. Hein, vachement intéressant. Voilà. Autre ressemblance, un oiseau de la taille du kiwi a normalement une couvaison de 40 jours. Alors qu'un mammifère de ce poids, en fait, aurait une gestation d'environ 80 jours. Et à votre avis, quelle est la durée de couvaison d'un kiwi? Ouais, quelques dizaines de jours. Non, Allez, on va dire non. 80. Eh bien voilà, exactement. Alan, tu as raison. En fait, le kiwi a une durée de couvaison de 70 à 84 jours, voilà, OK. suivant les espèces. Donc, au niveau des mœurs, le kiwi vit dans un terrier. Il a un plumage, donc comme je disais au début, qui évoque une fourrure, et il a pour habitude de chercher sa nourriture la nuit, ce qui corrélativement en fait a développé son sens olfactif, aussi, dont je parlais au début. OK. Alors voilà, ce sont des mœurs en fait qui sont typiquement mammaliens, parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit que le mode de vie originel est fondamental en fait des mammifères, et puis qui est encore le mode de vie d'une majorité d'espèces de mammifères. C'est un mode de vie nocturne, discret, furtif, avec un sens de l'odorat très développé, et puis par-dessus tout, en fait, cela suppose une taille réduite. Donc, les mammifères, en fait, n'ont connu leur essor qu'après la disparition des dinosaures, et pendant les deux tiers, en fait, de leur histoire géologique, bah, ce furent de petites créatures vivant cachées dans un monde dominé par les dinosaures. Donc, pour qu'un oiseau, en fait, de grande taille puisse présenter un mode de vie fondamentalement mammalien, en l'absence de vrais mammifères, puisque comme je le disais, en Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de mammifères qui avaient réussi à s'introduire, ben, un processus de diminution des dimensions était sans doute nécessaire comme première étape. Voilà. Donc, mais la question qui vient alors à l'esprit, en fait, c'est en quoi cette tendance au nanisme permet-elle d'expliquer que leurs œufs soient restés si gros? Parce qu'on pourrait dire que la dimension des œufs aurait pu décroître elle aussi en restant proportionnelle à la taille du corps. Ce serait logique, effectivement. Voilà. Et puis atteindre, comme ils ont la taille d'une poule, ils auraient dû avoir donc des œufs qui ont la taille des œufs de poule, quoi. Alors, la réponse, en fait, elle nous est apportée par de nombreuses recherches en allométrie. C'est-à-dire, en fait, l'allométrie, c'est l'étude des changements de forme et de proportion des organismes lorsqu'ils croissent ou décroissent. Donc, il y a des premiers travaux qui avaient été faits en 1925 par Julian Huxley et qui avaient montré qu'en parcourant la gamme des espèces allant de l'oiseau-mouche au moa, la dimension relative de l'œuf décroît de manière régulière et prédictible, en fait, à mesure que le corps décroît. D'accord? D'accord. Donc voilà, ces travaux en fait avaient été prolongés en 1945. Cette fois-ci, c'était Samuel Brody en fait qui s'y était collé et il avait établi en fait pour établir cette relation en fait, il avait passé en logarithme et il avait abouti en fait à une courbe avec une pente de 0,73. Puis en 1975, ce sont trois chercheurs, Rand, Paganelli et Hart, qui avec une base de données encore plus nombreuse, qui avait cette fois-ci 800 espèces d'oiseaux, avaient obtenu une valeur de 0,67. Donc ils avaient affiné cette valeur, 0,67, c'est-à-dire de 2 tiers. D'accord. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque le poids du corps croît chez les oiseaux, dans le même temps, le poids des œufs ne croît qu'à la proportion de 2 tiers. D'accord, ok. Et puis inversement, quand le poids du corps décroît, ben le poids des œufs, il décroît plus lentement, de sorte que les oiseaux de petite taille, en fait, ont proportionnellement des œufs plus des lourds. Des œufs plus grands, ok. Voilà. Ah, c'est fou, ça. Mais ces résultats, en fait, ils expliquent toujours pas, en fait, l'excessive dimension des œufs du kiwi, parce qu'ils sont vraiment énormes, ils sont bien plus gros que les œufs que devraient avoir des oiseaux selon cette courbe de pente 0,67. Voilà. Mais les courbes, l'allométrie en fait a aussi donné une autre loi générale et qui cette fois-ci va s'avérer plus pertinente parce que la courbe précédente en fait de pente 0,67, elle se rapporte à un type d'allométrie qui concerne une distribution interspécifique. C'est-à-dire en fait que chaque point de la courbe correspond à une espèce différente. D'accord. Et les allométriciens ont établi en fait des centaines de courbes interspécifiques comme ça chez les oiseaux, chez les mammifères. Mais ils ont également établi un autre type d'allométrie qui porte cette fois-ci sur les distributions intraspécifiques. C'est-à-dire au sein de la même espèce. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, chaque point de la courbe en fait correspond à un individu de la même espèce, quoi. Ouais, d'accord. Exactement. Donc, les études sur l'allométrie ont permis de dégager une loi importante, c'est que pour une relation donnée entre caractères particuliers, la pente de la courbe intraspécifique est en général beaucoup plus faible que celle de la courbe interspécifique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la taille du caractère en question, en fait, il diminue encore plus lentement. Alors, par exemple, l'un des cas les plus étudiés, c'est celui de la courbe du poids du cerveau par rapport au poids du corps. Et dans la gamme des espèces qui vont de la souris à l'éléphant, cette courbe elle a une pente d'environ 2 tiers, donc comme précédemment chez les oiseaux pour la taille de l'œuf. Mais lorsque cette courbe elle est établie pour une gamme d'adultes de poids croissant au sein d'une même espèce donnée de mammifères, elle a presque toujours une pente bien inférieure et se situe généralement entre 0,2 et 0,4. Donc, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, lorsque l'accroissement, alors que l'accroissement du cerveau est égal aux 2 tiers de l'accroissement du corps, quand on considère une gamme d'espèces de poids croissant, il n'est égal en fait qu'au cinquième ou aux 2/5 de celui du corps quand on considère une gamme d'espèces, d'une gamme d'individus, pardon, au sein d'une même espèce. C'est clair? Je crois que j'ai un petit peu perdu le fil, mais ça veut dire finalement que si au sein d'une espèce les individus rapetissent, leur cerveau reste proportionnellement un peu plus grand, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est que quand on regarde les courbes pour différentes espèces, en fait, pour le cerveau, on a une pente de 0,67. Mais si on regarde l'évolution de la taille du cerveau au sein d'une même espèce, la pente n'est plus de 0,67, elle est de 0,2 à 0,4. D'accord. D'accord? Donc le cerveau, en fait, la taille du cerveau diminue ou croît plus lentement. Ouais, ok, d'accord. Au sein d'une même espèce. Au sein d'une même espèce, voilà. Donc si cette loi, en fait, est aussi valable pour la dimension des œufs, bah cela peut résoudre, en fait, le paradoxe du kiwi, dès lors qu'on admet qu'ils sont issus d'ancêtres plus grands. Si on fait l'hypothèse, en fait, qu'ils avaient la taille des moas et que la sélection naturelle ait favorisé les adultes de petite taille au sein d'une population d'une même espèce, alors une courbe intraspécifique d'une pente très inférieure à 2/3 pourrait expliquer l'existence d'une espèce dotée d'œufs bien plus gros que ceux qu'on attendrait pour un oiseau de cette taille. Ouais, Donc, d'accord. d'accord? Donc, la question, en fait, qui vient, c'est quelle est donc la pente de la courbe intraspécifique, poids de l'œuf par rapport au poids du corps, pour le kiwi. Alors, il n'y a pas de données qui existent chez le kiwi exactement, mais dans un ouvrage, en fait, de Samuel Brody, qui date de 1945, et qui s'appelle, en fait, en anglais, Bioenergetics and Growth, on peut trouver que chez la volaille domestique, l'accroissement du poids de l'œuf est égal à 15% de l'accroissement du poids du corps. D'accord. Voilà. Et donc Brody, d'ailleurs, il dit même à ce propos qu'il vaut mieux élever des petites poules, car la taille des œufs, en fait, varie très peu par rapport aux plus grosses, alors que la masse corporelle est très abaissée. Donc la petite perte de volume de l'œuf, en fait, elle est largement compensée par la forte diminution du coût en entretien alimentaire. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc de la même manière qu'un éleveur, en fait, peut choisir ses petites poules pour bénéficier d'une forte décroissance de leur masse, bah, la sélection naturelle peut favoriser des adultes plus petits. Et au final, a pu aboutir chez les ancêtres des kiwis à une réduction de la masse corporelle, sans que cela ait été accompagné d'une grande réduction du poids des œufs. Donc, à la considération, en fait, de ces arguments qu'on vient de voir, la solution concernant les kiwis apparaît comme évidente. En fait, les œufs de kiwi ont le poids attendu si l'on suit en descendant la courbe intraspécifique. Cela requiert, en fait, que la sélection naturelle ait seulement œuvré pour décroître la taille corporelle et qu'aucun autre facteur ne soit intervenu pour réduire la taille de l'œuf. Et c'est ce à quoi on peut s'attendre, en fait, en Nouvelle-Zélande, qui est dépourvue à l'origine, en fait, de prédateurs naturels, et où une femelle kiwi, en fait, peut marcher tranquillement avec son énorme œuf, en fait, sans s'inquiéter. Ouais, c'est ça, d'accord. Voilà, donc c'est un inconvénient, porter un gros œuf comme ça, mais c'est vrai Et si qu'origine. tu risques pas de te faire bouffer, effectivement, ça c'est moins problématique que Voilà. dans un autre écosystème. Originellement, il n'y a pas de prédateurs de kiwis en Nouvelle-Zélande. C'est plus le cas, malheureusement, maintenant, puisque bah, l'homme y a introduit plein de prédateurs, hein, comme des hermines, par exemple. Il y a beaucoup d'hermines en Nouvelle-Zélande qui déciment les populations de kiwis, en fait, hein. Donc, toutes ces hermines ont été amenées par l'homme. Il n'y a pas seulement les hermines, d'ailleurs, il y a des chats. Et puis même les cochons sont des prédateurs de kiwis. Voilà. Donc qu'est-ce que je sais plus ce que je vous disais, en fait. Ah Parce que oui. tu as un téléphone qui sonne, c'est ça? C'est Exactement. chez toi? Le C'est téléphone qui vibre? ça. Ah, Ah vous ouais. l'entendez vibrer, ouais. Ça m'a déconcentré un peu. Donc je dis, ouais, que là, en fait, la famille kiwi, donc, n'avait pas de prédateurs naturels à l'origine. Donc la réponse, en fait, à la question pourquoi les œufs de kiwi sont si gros, serait alors, parce qu'ils sont les descendants nés d'une espèce d'oiseau de plus grande dimension et n'ont fait, en fait, que suivre les lois ordinaires de l'allométrie au cours de leur évolution. Et c'est une réponse, en fait, qui diffère de l'explication traditionnelle évolutionniste, qui serait, parce que ces gros œufs ont une utilité présente et que la sélection naturelle les a favorisés. Voilà. Ouais, ok. Donc on arrive au bout de ce dossier, et en conclusion, Et pour résumer, donc il est important de comprendre en fait que ce mode de raisonnement, par l'invocation des circonstances historiques, trop souvent négligé, a permis de résoudre en fait beaucoup de problèmes évolutifs de cette façon, quoi. Mais en fait, ça, c'est un peu un cas d'école pour d'autres cas de figure similaires, cet Ouais, exemple de l'œuf exactement. du kiwi, ouais. Voilà, donc c'est un exemple pour montrer que on peut pas invoquer tout le temps la sélection naturelle en disant ben voilà c'est une utilité, donc c'est que la sélection naturelle l'a favorisé. Des fois voilà, il faut voir en fait le problème un peu à l'envers et autrement, quoi. Donc c'est sûr que la sélection naturelle est omniprésente dans la nature, quoi, mais voilà, il faut être capable de voir les problèmes évolutifs en fait d'une autre façon, quoi, et pas négliger en fait les circonstances historiques. Ouais, et puis ben, parfois l'explication la plus simple est la meilleure, hein. C'est le fameux concept du rasoir d'Occam qui est beaucoup utilisé en science. C'est-à-dire pourquoi chercher une explication compliquée quand on en a une toute simple? Là, c'est un peu le cas finalement. Oui, bah, elle est toute simple, mais bon, c'était pas celle qui apparaissait en premier, Non, puisque c'est vrai effectivement, il fallait y penser. qu'il fallait y penser, oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, elle paraît, c'est vrai qu'on considère ces pentes, en fait, ces courbes d'allométrie, voilà, la solution paraît évidente d'un coup. Ouais, absolument. Ok, bah écoute, merci pour ce dossier. On aura appris une quantité de trucs. Ouais, entre les racines latines et grecques, entre l'existence des kiwis, de leurs ancêtres, la taille phénoménale de leurs œufs, les réflexions sur l'interprétation. Ça, c'était vraiment un beau dossier bien complet. Merci, merci infiniment. Ben de rien, hein. Donc voilà, ouais, j'essaierai dans la mesure du possible. C'est vrai que quand il y a des noms, des fois, des noms d'espèces, c'est souvent en latin ou en grec, j'essaierai de donner un peu l'origine. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça aide vraiment à retenir les noms, en fait. Oui, tout à fait, ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, d'autant plus que là, c'était particulièrement évocateur en plus. Oui, ben Spécialement intéressant. souvent les noms sont donnés, bon, avec un rapport, on sait que le Dinornis, bon, l'oiseau terrible, bon, ça évoque un énorme oiseau, donc c'est vrai que le nom lui colle bien. Ouais. C'est vrai que si on avait appelé Dinornis le kiwi, bon, d'un coup, ça le fait moins, quoi. Ouais, ou alors petit Dinornis, ou Dinornis Ouais. décoratif, décorativus. Ouais. Dis Marco, j'ai une question pour toi. C'était quoi ces bruits qu'on entendait derrière toi? Ah, je sais pas. Ah, c'est peut-être mes chinchillas. J'ai deux cages de chinchillas derrière moi. Alors, je ne me suis pas rendu compte pendant que je parlais, mais c'est peut-être ça, parce que là, c'est le soir. Donc, je ne sais pas si tu connais un peu les chinchillas. C'est des animaux nocturnes, justement. D'accord, Donc, donc là il est comme on est. 22h, il se réveille. Voilà. Donc, là, ils commencent à rentrer en période d'activité. D'accord, ils font les fous. Voilà, exactement. Donc voilà, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est probablement ça. Ah, sans doute, ouais. Intéressant. Ok, on va peut-être préciser encore une chose, c'est que ton sujet a inspiré Lucille, qui a produit une magnifique illustration pour compléter le dossier. Alors, elle s'intéresse au rôle des papas kiwis dans cette histoire, et puis elle casse un certain nombre de préjugés qu'on aurait à l'égard de ces malheureux volatiles. Donc, la justice à l'égard des papas kiwis est rétablie. Il suffit d'aller sur le site pour voir ce qu'a fait Lucille. C'est vraiment excellent. Alors moi, je n'ai pas encore vu l'illustration. C'est tout récent, mais... C'est tout récent, ouais. Alors moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bon, ben Ouais, moi je trouve ça épatant, comme toujours. Alors, moi, je jetterai un œil après l'émission, alors. Ouais, juste bonne idée. Ok, sinon, Mathieu, tu voulais revenir un peu sur les planètes habitables? Oui, on a eu un commentaire de Rabulion. Qui en fait répond à Vincent qui nous avait déjà mis un commentaire dont j'avais cité la semaine passée. Et alors, Rabulion s'adresse justement à Vincent et lui dit: Ta question sur la zone habitable autour des planètes gazeuses est intéressante. Parce qu'il s'était posé la question, Vincent, jusqu'à quel point on pouvait trouver une zone habitable pour des planètes gazeuses. Puis il dit: Néanmoins, il ne faut pas oublier que la distance à l'étoile n'est pas un facteur essentiel. Et qu'elle compte pour peu. On peut être dans la zone habitable et ne pas être propice à la vie et inversement. Pour ce qui est des planètes telluriques, ce sont les caractéristiques physiques qui sont déterminantes, notamment sa masse qui permet à travers son champ de gravité de maintenir une atmosphère, mais aussi de générer un champ magnétique pour le protéger des rayonnements de son étoile. Il y a aussi les paramètres de l'orbite qui sont importantes, comme par exemple l'excentricité, l'obliquité et la durée de rotation. Donc une planète avec une forte excentricité ou avec une grande obliquité ou encore avec une rotation lente n'est pas des plus propices à la vie. On peut assez bien se l'imaginer. C'est, par exemple, une grande excentricité, elle sera proche de son étoile à un moment À un certain donné moment, et loin de l'autre, donc il pourrait faire trop froid à cette période de son orbite. Alors, tout en gardant à l'esprit que la géologie et la structure interne ont aussi un impact sur la température et le climat de la planète, pour ce qui est des satellites, on voit bien que le problème majeur est celui de la masse. La majorité sont trop petits pour garder une atmosphère. Le sol dans le système solaire est en titan. Et ils se refroidissent rapidement car ils ont peu ou pas d'activité géologique. L'étude des exoplanètes laisse entrevoir des perspectives intéressantes, même si les défis technologiques sont immenses, surtout pour accéder aux satellites des exoplanètes gazeuses. L'avenir nous le dira. Pour compléter ce commentaire, je me permets de vous laisser les références d'un livre passionnant sur l'histoire de Mars. Donc, il s'appelle Mars, planète bleue, point d'interrogation, de Jean-Pierre Bibring, ou Bibring, je sais pas comment on prononce, responsable de l'instrument Oméga sur la sonde Mars Express, paru chez Odile Jacob en 2009. Donc, je répète, l'ouvrage s'appelle Mars, planète bleue, point d'interrogation, de Jean-Pierre Bibring, paru chez Odile Jacob, 2009. Ok, bon, on l'ajoutera à la liste de livres recommandés par les poditeurs. On a une page de livres maintenant. Et Rabulion s'adresse aussi à Guillaume qui nous avait répondu sur comment on pouvait définir le terme géologie pour la planète Mars. Ouais, Et c'était l'arézologie, je crois, hein, c'est il avait ça? dit qu'en français il n'y avait pas de mot et qu'en anglais il y avait aréologie. D'accord. Et par contre, alors là, Rabulion dit à Guillaume que pour ce qui est de la géologie martienne, je crois qu'on peut dire aréologie. Donc peut-être faudrait regarder dans le dictionnaire si ça existe en fait, tout Ok. simplement. Tiens, je vais faire ça tout de suite. Et sur le même ordre d'idée, il y a Tom au carré qui nous dit, et donc si un jour on construisait un aéroport sur Mars, ça pourrait être un aréoport. À moins que ce ne Ben soit oui, évidemment. Un astroport martien. Les dyslexiques et les enfants vont adorer. Ouais, sympa la remarque. Bien, bien vu. Voilà. Aréoport, donc ça peut, c'est correct, mais sur Mars. Ouais, et sur Terre, c'est aéroport. Voilà. Et puis, ouais, en parlant de dictionnaire, je viens de jeter un coup d'œil sur le Wiktionnaire. C'est le projet de Wikipédia de dictionnaire collaboratif. On y trouve aréologie. Et la définition, c'est la science qui a pour objet l'étude des matériaux qui composent la planète Mars. Donc apparemment, c'est bien un mot de français. Bien un mot français. Ok, parfait. Ouais, décidément. C'est depuis que tu as fait ton numéro sur la linguistique, enfin sur l'origine des langues, là. On devient calé sur le sujet. Ouais, effectivement. C'est épatant. Sinon, alors on avait C'est un sur les retour neutrinos, sur. non? Exactement, ouais. Un retour sur les neutrinos dont j'ai oublié de parler la semaine dernière. J'en suis tout à fait désolé, enfin je m'en excuse auprès de son auteur, Xochipilli, Pili, qui nous dit merci pour votre dossier sur les neutrinos, c'est très bon. Un commentaire tardif, mais après tout, les podcasts sont faits pour être lus en retard. Si l'on confirmait que les neutrinos vont plus vite que la lumière, il me semble que ce ne serait pas un petit problème pour la théorie de la relativité qu'on pourrait compléter avec un bout de sparadrap. Je m'explique. Si l'on admet que l'espace est continu, homogène et isotrope, et que les lois physiques y sont identiques, on peut démontrer mathématiquement qu'il n'existe que deux possibilités. Soit aucune vitesse limite, c'est le cadre de la relativité galiléenne qui additionne les vitesses, soit une vitesse limite qu'on appelle C, voire un billet donc qu'on mettra en lien pour la démonstration. Jusqu'ici, la vitesse de la lumière était la bonne candidate pour cette vitesse limite C. Si ce n'est pas le cas, les photons iraient à une vitesse inférieure à C, et là, il y a un problème, car comme leur masse est nulle, leur énergie vaudrait alors E égale mc² égale 0. formule valable pour toutes les particules ne se déplaçant pas à la vitesse c. Les photons n'ayant pas une énergie nulle, cela signifierait qu'ils auraient une masse non nulle. Ce serait contradictoire avec toutes les mesures faites jusqu'ici. D'un autre côté, comme les neutrinos ont une masse faible mais non nulle, ils ne peuvent pas non plus atteindre la vitesse limite c, qui serait donc encore plus grande. Mais si c'était le cas, comment expliquer qu'aucun appareil n'ait jamais pris en défaut la valeur c, la valeur de c prise jusqu'ici, quelle que soit sa précision diabolique? Bref, je ne suis pas sûr qu'un patch suffirait à réparer la théorie. Voilà. Bon. On n'est pas spécialiste, mais c'est vrai que vu comme ça, ça semble causer un peu problème. Ouais, non, mais c'est intéressant de voir en quoi c'est problématique par rapport à cette vitesse maximale de la lumière. Effectivement, j'avais pas du tout traité cette question. Bien mal m'en aurais pris d'ailleurs. J'ignorais tout ça. Non, c'est super intéressant. Donc, bah, évidemment, on va continuer de suivre cette affaire de neutrinos. On en aura sans doute le cœur net une fois. Et d'ailleurs à ce sujet, alors je sais pas si parce que vous parlez de vitesse limite, alors Brian Greene en fait lui il présente ça autrement en fait. Il parle en fait dans l'espace-temps, il se passe dans l'espace-temps, et il dit en fait que dans l'espace-temps il n'y a qu'une seule vitesse et c'est la vitesse de la lumière. En fait. C'est-à-dire que nous dans l'espace-temps on se déplace également à la vitesse de la lumière. Vous voyez, c'est-à-dire que il faut imaginer en fait un repère, par exemple un repère orthonormé où on aurait d'un côté on va dire les trois dimensions de l'espace, et puis une autre dimension qui ferait pour faire l'image en fait, imaginez quand vous allez à 100 km/h en fait vers le nord, d'accord, et imaginez d'un coup, vous décalez un peu votre vitesse vers l'est, en fait, tout en conservant votre valeur absolue de la vitesse, qui serait toujours 100 km/h. Vous allez aller moins vite vers le nord, mais vous allez aller plus vite vers l'est. Vers l'est. Donc là, ça serait un peu pareil, c'est-à-dire que on va tous à la même vitesse, mais c'est-à-dire que nous, quand on se déplace pas, on va en fait à la vitesse maximale dans le temps, vers la direction dans l'ordonnée du temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, d'accord. Mais on va au minimum. On fait des boucles sur nous-mêmes quand on reste sur place, en fait. Quoi. Voilà, mais moi j'aimais bien en fait cette représentation parce que bon, je trouvais ça faisait un peu rêver. Donc en fait, on va à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Quoi. Ouais, c'était dans l'univers élégant, c'est ça ? Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, j'avais un peu zappé cette partie. non, mais ça m'avait marqué, moi. Mais, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer comme ça, là, je m'en rends compte, mais. Ouais, c'est effectivement. Ouais. Ok. Sinon, on avait encore Ethaniel qui nous disait quelque chose au sujet des neutrinos. Il disait : saviez-vous qu'un neutrino créé au centre du Soleil met moins de 3 secondes à en sortir, tandis qu'un photon met, à cause de ses absorptions-réémissions, entre 10 000 et 170 000 ans à en sortir. Il nous met un lien sur un sous-site de la NASA qui explique le phénomène. C'est épatant. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est fou. Hein. Donc la lumière reste coincée dans le Soleil avant de pouvoir sortir à cause des explosions permanentes. Ouais, moi ça... J'avais entendu cette info aussi également. Je me rappelais plus des durées. Moi, je pensais en millions d'années même, tu vois. Mais j'avais entendu qu'un photon mettait énormément de temps en fait pour se dégager du Soleil. Quoi. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Donc quand il met 8 minutes pour arriver sur Terre, c'est après avoir lutté pendant 10 000 à 170 000 ans. C'est ça. Non, mais c'est incroyable quand on y pense en fait. Ouais, c'est épatant. Ouais. Voilà, sinon encore quelques petites annonces et puis on arrive gentiment au bout. Encore quelque chose que j'ai complètement oublié de dire la semaine dernière, j'en suis tout à fait navré, je m'excuse cette fois auprès de John Kallak, qui nous avait envoyé un tweet concernant un scénariste BD qui recherche un physicien nucléaire pour une collaboration. Donc la news a été relayée évidemment par Strip Science et par le Café des Sciences, mais on la relaye nous aussi. Si jamais vous écoutez le podcast, que vous êtes physicien nucléaire ou que vous connaissez un physicien nucléaire qui serait intéressé à donner un coup de main à un scénariste pour compléter une BD sur la question, bah, prenez contact avec nous, on vous mettra en contact. Et puis encore une dernière petite chose, je voulais faire un petit coucou à Mantine, un petit clin d'œil comme ça. Mantine, c'est un peu la mascotte des podcasteurs francophones. Elle nous écoute tous, elle interagit avec tout le monde. Elle nous a écrit un message la semaine dernière pour nous signaler que le son, lors de l'enregistrement était pas terrible. C'est vrai qu'on entendait la voix de Mathieu qui partait et qui revenait. Bon, cette semaine, je crois que la voix de Mathieu est stabilisée. Par contre, j'ai quelques doutes concernant celle de Marco. Alors, désolé d'emblée. Ouais, j'ai peur que l'enregistrement d'aujourd'hui soit pas des meilleurs non plus, quoi. Mais... Ouais, ça va, j'ai eu un petit problème de micro. Donc, bon, on a fait comme on a pu. Mais je Ouais. crois qu'il va falloir que j'investisse dans un bon micro. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. S'il y a un investissement à Voilà. faire, ouais, Tout en à tant que fait. podcasteur, c'est celui-là. Voilà, en plus c'est bientôt Noël, donc je sais ce que je vais demander. Ben voilà, Voilà. c'est parfait. Bon, en tout cas, un bisou à Mantine en passant. Merci d'être aussi présente, de nous connecter les uns avec les autres, d'interagir autant, c'est toujours un plaisir. C'est top. Et puis ben là, on arrive gentiment au bout, mais évidemment, on ne peut pas arriver au bout sans le moment phare que tout le monde attend. Mathieu, tu nous vois venir. Oui, la C'est l'heure de la côte. côte. Oui, alors aujourd'hui, une côte de David Gross, qui est, bon, c'est un physicien spécialisé dans la théorie des cordes, mais il nous dit une Ouf. côte qui a absolument rien à voir avec ça, qui est beaucoup plus générale. Donc, je vous rassure tout de suite, c'est Ok. la science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance d'aujourd'hui. Ah, j'aime ça. Ça me plaît. Ah, c'est pas mal, Ah, elle est ouais. bien, Excellent. bien poétique, celle-là aussi, j'aime bien. Ouais, non, c'est top. C'est bah, rien à ajouter. C'est magnifique. Ok. Parfait. Donc, on se retrouve la semaine prochaine en principe avec un invité, si tout va bien. Si tout va bien. Ouais. Et encore un Donc. petit point de confirmation qui doit être fait. Mais normalement, on devrait l'avoir, ouais. Ouais. Donc, on va parler de géologie. Ouais, on n'en a Et. encore jamais parlé sur Podcast Science. Ça va être une chouette émission, je pense, de parler de Ouais. géologie. Enfin, plus particulièrement des risques liés au mouvement de versant. Glissement de terrain, ce genre de choses. Donc, avec un invité qui travaille à la prévention de ces phénomènes, ou en tout cas leur prédiction, effectivement, ça va être super intéressant. Je pense qu'on aura plein, plein, plein de choses à apprendre. Ok, donc on se retrouve la semaine prochaine. Ok, merci Marco pour ton dossier. Ben, merci à vous. Et Marco, on te retrouve dans un peu plus d'un mois. Oui. Enfin, sauf si on t'appelle à l'improviste pour dépanner comme ça, si on a Ah. un souci d'invité. Ah, mais quand vous voulez, vous proposez, je dispose. Ouais, c'est formidable. Merci beaucoup. Et bah si pas de souci, donc on se retrouve dans un mois et puis autrement dans une semaine avec Mathieu. Et bonne semaine à tous. Allez, Ciao, ciao. ciao. Salut.